Il peut secourir ceux qui sont tentés. Seigneur Dieu, merci d'avoir rendu Jésus d'un peu inférieur aux anges. Tu l'as abaissé. Tu t'es abaissé à la qualité d'humain pour vivre une vie parfaite et ainsi détruire l'œuvre du diable, détruire la mort par ton sacrifice. On veut te remercier, Seigneur. Et on veut te remercier parce que tu as souffert. Tu as été tenté. Et on sait que tu peux nous aider, nous secourir lorsqu'on est tenté, nous aider lorsqu'on est